Chapitre 8. Le jour se levait, triste et morne, quand Lecoq et son vieux collègue jugèrent leur information complète. Il n'y avait plus dans le cabaret un pouce carré qui n'eût été exploré, scrupuleusement examiné, étudié pour ainsi dire à la loupe. Restait à rédiger le rapport. Le jeune homme s'assit devant une table et commença par esquisser le plan du théâtre du meurtre, plan dont la légende explicative devait aider singulièrement à l'intelligence de son récit. Ici un plan assez succinct des lieux est dessiné. On y voit le cabaret à l'angle de la rue du Château des Rentiers et d'un petit chemin sans nom. La porte d'entrée au milieu du mur est désignée par la lettre G, à côté une fenêtre appelée B. Au milieu du cabaret, trois grandes tables appelées H, disposées à peu près en triangle. Sur le mur de droite au milieu, une cheminée appelée F, et au fond à droite, un escalier appelé D. Puis on voit l'arrière du cabaret avec la porte de sortie par derrière appelée K, le petit portillon au fond du jardin appelé L, et entre la porte arrière du cabaret et le petit portillon extérieur, des traces de pas nommées M. Figure aussi sur ce plan le point A, situé entre la porte d'entrée du cabaret et le petit chemin sans nom. Grand A. Point d'où la ronde commandée par l'inspecteur du service de la sûreté, Gévrol, entendit les cris des victimes. La distance de ce point au cabaret, dit la poivrière, n'est que de 123 mètres, ce qui donne à supposer que ces cris étaient les premiers, que, par conséquent, le combat commençait seulement. Grand B. Fenêtre fermée par les volets pleins, dont les ouvertures permirent à l'un des agents d'apercevoir la scène de l'intérieur. Grand C, porte enfoncée par l'inspecteur de la sûreté Gévrol. Grand D, escalier sur lequel était assise, pleurant, la veuve Chupin arrêtée provisoirement. C'est sur la troisième marche de cet escalier que le tablier de la veuve Chupin fut plus tard retrouvé, les poches retournées. Grand F, cheminée. Trois grands H, table. Les empreintes d'un saladier et de cinq verres ont été constatées sur celles qui se trouvent entre les points F et B. Grand T, porte communiquant avec l'arrière-salle du cabaret, devant laquelle le meurtrier armé se tenait debout. Grand K, seconde porte du cabaret ouvrant sur le jardin, et par où pénétra celui des agents qui eut l'idée de couper la retraite du meurtrier. Grand L, portillon du jardinet, donnant sur les terrains vagues. Trois grands M, empreintes de pas sur la neige, relevées par les agents restés à la poivrière, après le départ de l'inspecteur Gévrol. Ainsi, dans cette notice explicative, Lecoq n'écrivait pas une seule fois son nom. En exposant les choses qu'il avait imaginées ou faites, il mettait simplement un agent. Ce n'était pas modestie, mais calcul. À s'effacer à propos, on gagne un relief plus considérable quand on sort de l'ombre. C'était par calcul aussi qu'il plaçait Gévrol en avant. Cette tactique, un peu bien subtile, mais de bonne guerre en somme, devait, pensait-il, appeler l'attention sur l'agent qui avait su agir quand tout l'effort du chef s'était borné à enfoncer une porte. Ce qu'il rédigeait n'était pas un procès-verbal, acte authentique réservé aux seuls officiers de la police judiciaire, c'était un simple rapport, admis tout au plus à titre de renseignement, et cependant, il le soignait comme un jeune général le bulletin de sa première victoire. Tandis qu'il dessinait et écrivait, le père Absinthe se penchait au-dessus de son épaule pour voir. Le plan, particulièrement, émerveillait le bonhomme. Il lui en était passé beaucoup sous les yeux, mais il s'était toujours figuré qu'il fallait être ingénieur, architecte, arpenteur tout au moins, pour exécuter un semblable travail. Point. Avec un mètre pour prendre quelques mesures et un bout de planche en guise de règle, ce conscrit, son collègue, se tirait d'affaire. Sa considération pour Lecoq s'en augmenta prodigieusement. Il est vrai que le digne vétéran de la rue de Jérusalem ne s'était aperçu ni de l'explosion de la vanité du jeune policier, ni de son retour à une attitude modeste. Il n'avait vu ni ses inquiétudes, ni ses hésitations, ni les défauts de sa pénétration. Après un bon moment, cependant, Le père absinthe se lassa de regarder courir la plume sur le papier. Il éprouvait le malaise d'une nuit passée, il se sentait la tête brûlante et il grelottait. Puis les genoux, ainsi qu'il le disait, lui rentraient dans le corps. Peut-être aussi, sans en avoir confiance, éprouvait-il quelque impression de cette salle de cabaret, plus sinistre aux lueurs blafardes de l'aube. Toujours est-il qu'il se mit à fureter dans les armoires et finit par découvrir, oh bonheur, une bouteille d'eau-de-vie aux trois quarts pleine. Il eut une seconde d'hésitation, mais, ma foi, il s'en versa un grand plein verre qu'il lampa d'un trait. « En voulez-vous ? » demanda-t-il après à son compagnon. « Pour fameuse, non, elle ne l'est pas. Mais c'est égal, ça dégourdit et ça dissipe. » Le coq refusa, il n'avait pas besoin d'être dissipé. Toutes les facultés de son intelligence étaient en jeu. Il s'agissait qu'à la seule lecture du rapport, le juge d'instruction dit « Qu'on m'aille quérir le gaillard qui a rédigé tout cela. » Tout son avenir de policier était dans cet ordre. Et il s'attachait à être net, bref et précis, à bien indiquer comment les soupçons du sujet du meurtrier étaient venus, avaient grandi, s'étaient confirmés. Il expliquait par quelle série de déductions il arrivait à établir une vérité qui, si elle n'était pas la vraie, était au moins une vérité assez probable pour servir de base à une instruction. Puis il détaillait les pièces de conviction placées en ce moment devant lui. C'étaient les flocons de laine marron recueillis sur le madrier, la précieuse boucle d'oreille, les clichés des différentes empreintes du jardin, le tablier aux poches retournées de la veuve Chupin. C'était le revolver du meurtrier, dont 3 coups sur 5 étaient encore chargés. L'arme, bien que sans ornement, était remarquablement belle et soignée, et sur la crosse, elle portait le nom d'un des plus grands armuriers de Londres, Stephen, 14 Skinner Street. Le coq sentait bien qu'en fouillant les victimes, il rassemblerait d'autres indices, très précieux peut-être, mais cela il n'osa pas le faire. Il était encore trop petit garçon pour hasarder une telle démarche. D'ailleurs, il comprenait que s'il se risquait, Gévrol, furieux de s'être fourvoyé, ne manquerait pas de crier qu'en dérangeant l'attitude de décor, il avait rendu les constatations des médecins impossibles. Il se consola cependant, et il relisait son rapport, modifiant de ci et de là quelques expressions, lorsque le père Absinthe, qui était allé fumer une pipe sur le seuil de la porte, l'appela. « Quoi de nouveau ? » répondit le coq. « Voici Gévrol et 2 de nos collègues qui ramènent avec eux le commissaire et 2 messieurs bien mis. » C'était en effet le commissaire de police qui arrivait, tout soucieux de ce triple meurtre qui ensanglantait son arrondissement, mais médiocrement inquiet. Pourquoi se serait-il ému ? Gévrol, dont l'opinion en pareille matière faisait autorité, avait pris soin de le rassurer lorsqu'il était allé l'éveiller. Il ne s'agit, lui avait-il dit, que d'une batterie entre les pratiques à nous, les habitués de la poivrière. Si tous ces mauvais gars-là pouvaient s'entre-détruire, nous serions plus tranquilles. Il ajoutait que le meurtrier était arrêté, coffré, que par conséquent, cette affaire ne présentait aucun caractère d'urgence. De plus, le crime n'avait pas, ne pouvait avoir le vol pour mobile. C'était énorme. La police en est venue à s'inquiéter des atteintes à la propriété, plus peut-être que des attentats contre les personnes. Et c'est logique, à une époque où les ruses de la convoitise se substituent à l'énergie de la passion, où les scélérats audacieux deviennent rares, tandis que les lâches filous pullulent. Le commissaire ne vit donc pas d'inconvénient à attendre le jour pour procéder à une enquête sommaire. Il avait vu le meurtrier aviser le parquet, et maintenant il venait, sans trop de hâte, accompagné de 2 médecins délégués par le procureur impérial pour les constatations médico-légales. Il amenait aussi un sergent-major de voltigeur du 53e de ligne, requis par lui pour reconnaître s'il y avait lieu celui des morts qui portait l'uniforme, et qui, à en croire le chiffre des boutons de sa capote, appartenait au 53e régiment, alors caserné dans les forts. Moins encore que le commissaire, l'inspecteur de la sûreté s'inquiétait. Il allait, sifflotant, décrivant des moulinets avec sa canne qui le ne quitte jamais, se faisant fête de la déconfiture de ce rôle présomptueux qui avait voulu rester pour glaner là où il n'avait pas aperçu de moisson. Aussi, dès qu'il fut à portée de voix, interpella-t-il le père Absinthe, lequel, après avoir prévenu le coq, était resté sur le seuil de la porte, adossé au montant, tirant et renvoyant régulièrement les bouffées de sa pipe, immobile comme un sphinx fumeur. « Eh bien, vieux !» cria Gévrol, « avez-vous à nous raconter un bon gros mélodrame, bien noir et bien mystérieux ?»« Je n'ai rien à raconter, moi, » répondit le bonhomme, sans retirer la pipe soudée à ses lèvres. « Je suis trop bête, c'est connu. » « Mais monsieur Lecoq pourrait bien vous apprendre quelque chose sur quoi vous n'avez pas compté. » Ce titre, « Monsieur », dont le vieil agent de la sûreté gratifiait son camarade, déplut si fort à Gévrol qu'il ne voulut pas comprendre. « Qui ça, fit-il ? De qui parles-tu ? » « De mon collègue, parbleu. Il est en train de finir son rapport. De monsieur Lecoq, enfin !» Sans malice, assurément, le bonhomme venait d'être le parrain du jeune policier. De ce jour, pour ses ennemis aussi bien que pour ses amis, il devint et resta monsieur Lecoq. Monsieur en toutes lettres. Ah ah, fit l'inspecteur, qui visiblement avait la puce à l'oreille. Ah, il a découvert le pot aux roses que les autres n'avaient pas flairé. Oui, général, c'est cela même. Par cette seule phrase, le père Absinthe se faisait un ennemi de son chef. Mais Lecoq l'avait séduit. Il était du parti de Lecoq, lui, envers et contre tous. Il était résolu à s'attacher à lui, à partager sa fortune, mauvaise ou bonne. « On verra bien, » murmura l'inspecteur, qui, à part soi, se promettait de surveiller ce garçon qu'un succès pouvait poser en rival. Il n'ajouta rien de plus. Le groupe qu'il précédait arrivait, et il s'effaça pour livrer passage au commissaire de police. Ce n'était pas un débutant, ce commissaire. Il avait été officier de paix au quartier du Faubourg du Temple, au beau jour de l'épicier et des quatre billards, et cependant, il ne put maîtriser un mouvement d'horreur en pénétrant dans la salle de la poivrière. Le sergent-major du 53e qui le suivait, un vieux brave médaillé chevronné, fut plus impressionné encore. Il devint aussi pâle que les cadavres qui étaient là, à terre, et fut obligé de s'appuyer à la muraille. Seuls les deux médecins furent stoïques. Lecoq s'était levé, son rapport à la main. Il avait salué, et, prenant une attitude respectueuse, il attendait qu'on l'interrogeât. « Vous avez dû passer une nuit affreuse, dit le commissaire avec bonté, et sans utilité pour la justice, car toutes les investigations étaient superflues. « Je crois pourtant, répondit le jeune policier, tout cuirassé de diplomatie, que je n'ai pas perdu mon temps. Je tenais à me conformer aux instructions de mon chef. J'ai cherché et j'ai trouvé bien des choses. J'ai acquis, par exemple, la certitude que le meurtrier avait un ami, sinon un complice, dont je pourrais presque donner le signalement. Il doit être d'un certain âge et porter, si je ne me trompe, une casquette à coiffe molle et un paletot de drap marron moutonneux. Quant à ses bottes... « Tonnerre !» exclama Gévrol. « Et moi qui... » Il s'arrêta court, en homme dont l'instinct a devancé la réflexion et qui voudrait bien pouvoir reprendre ses paroles. « Et vous qui ?» interrogea le commissaire. « Que voulez-vous dire ?» Furieux, mais trop avancé pour reculer, l'inspecteur de la sûreté s'exécuta. « Voici la chose, dit-il. Ce matin, il y a une heure, pendant que je vous attendais, monsieur le commissaire, devant la poste de la barrière d'Italie où est consigné le meurtrier, je vis venir de loin un individu dont le signalement n'est pas sans analogie avec celui que nous donne Lecoq. Cet homme me parut abominablement ivre. Il chancelait, il trébuchait, il battait les murailles. Il essaya de traverser la chaussée pourtant, mais parvenu au milieu, il se coucha en travers, dans une position telle qu'il ne pouvait manquer d'être écrasé. Lecoq détourna la tête. Il ne voulut pas qu'on lût dans ses yeux qu'il comprenait. Voyant cela, poursuivit Gévrol, j'appelai deux sergents de ville et je les priai de venir m'aider et à faire lever ce malheureux. Nous allons à lui. Déjà, il paraissait endormi. Nous le secouons. Il se dresse sur son séant, nous lui disons qu'il ne peut rester là. Mais voilà qu'aussitôt il paraît pris d'une colère furieuse. Il nous injurie, il nous menace, il essaye de nous frapper. Et ma foi, nous le conduisons au poste, pour qu'il cuve du moins son vin en sûreté. « Et vous l'avez enfermé avec le meurtrier ?» demanda Lecoq. « Naturellement. Tu sais bien qu'au poste de la barrière d'Italie, il n'y a que deux violons, un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Par conséquent... » Le commissaire réfléchissait. « Ah, voilà qui est fâcheux, » murmura-t-il. « Et pas de remède. »« Pardon, il en est un, » objecta Gévrol. « Je puis envoyer un de mes hommes jusqu'au poste, avec ordre de retenir le faux ivrogne. » D'un geste, le jeune policier osa l'interrompre. « Peine perdue, » prononça-t-il froidement. « Si cet individu est le complice, il s'est dégrisé, soyez tranquille, et à cette heure, il est loin. » « Alors, que faire ?» demanda l'inspecteur de son air le plus ironique. « Peut-on connaître l'avis de Monsieur Lecoq ?»« Je pense que le hasard nous offrait une occasion superbe, que nous n'avons pas pu la saisir, et que le plus court est d'en faire notre deuil et d'attendre qu'elle se représente. » Malgré tout, Gévrol s'entêta à dépêcher un de ses hommes, et dès qu'il se fut éloigné, Lecoq dut commencer la lecture de son rapport. Il le débitait rapidement, évitant de mettre en relief les circonstances décisives, réservant pour l'instruction sa pensée intime, mais si forte était la logique de ses déductions, qu'à tout moment il était interrompu par les approbations du commissaire, et les très bien des médecins. Seul Gévrol, qui représentait l'opposition, haussait les épaules à se démancher le cou, tout en verdissant de jalousie. Le rapport terminé. « Je crois, jeune homme, dit le commissaire à Lecoq, que seul en cette affaire vous avez vu juste. Je me suis trompé. Mais vos explications me font voir d'un tout autre œil l'attitude du meurtrier pendant que je l'interrogeais il n'y a qu'un moment. C'est qu'il a refusé, oh, obstinément, de me répondre. Il n'a même pas consenti à me dire son nom. » Il se tut un moment, rassemblant dans sa mémoire toutes les circonstances du passé, et d'un ton pensif il ajouta. « Nous sommes, je le jurerais, en présence d'un de ces crimes mystérieux dont les mobiles échappent à la perspicacité humaine. D'une de ces ténébreuses affaires dont la justice n'a jamais le fin mot. » Lecoq dissimulait un fin sourire. « Oh, pensait-il, nous verrons bien. »